Nikkev, dont on va reparler là tout de suite maintenant, à l'occasion de l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford. Film dont vous avez peut-être entendu parler, qui vaut surtout la communication autour de lui, grâce à la présence à l'affiche de Brad Pitt dans le rôle de Jesse James. C'est un film réalisé par Andrew Dominik, réalisateur qui a 40 ans, qui est né en Nouvelle-Zélande, mais a étudié et vécu en Australie. C'est là qu'il a réalisé son premier long métrage en 2000 avec Eric Bana dans le rôle principal. Donc Eric Bana qu'on a vu dans Munich et dans Hulk, très bon acteur, lui aussi australien je pense. Et déjà dans son premier film, il se penchait sur l'univers des criminels avec un film intitulé Chopper, qui était la biographie d'une figure connue de la pègre australienne. Donc Andrew Dominik, pour son deuxième film, a adapté un bouquin de Ron Hansen du début des années 80 et s'est donc penché sur le mythe de Jesse James, qui a été combien de fois visité par Hollywood. Film produit par la Warner mais aussi par les frères Scott, donc Ridley et Tony via leur boîte de production, et également par Brad Pitt. Donc non seulement il est l'acteur principal, mais il a mis les sous dans la popoche et a produit le film. Je suis en train de lire il fallait pas le prendre. Bon, après le j'attends des pièges. On va écouter un morceau et je propose qu'on s'écoute par exemple la 7. En fait, il fallait juste me dire oui, vas-y, écoute et passe un morceau que tu aimes bien, parce que sinon j'interromps ta critique, voilà. Je suis désolé. Donc, Brad Pitt, qui joue Jesse James, produit également le film. À ses côtés, on retrouve au casting Casey Affleck, donc le petit frère de Ben Affleck, dans le rôle du lâche Robert Ford. On retrouve également à leur côté Mary-Louise Parker dans le rôle de la femme de Jesse James. Mary-Louise Parker que les fans de la série Weeds reconnaîtront, puisqu'elle est le personnage principal. On retrouve également Sam Rockwell et Sam Shepard, ce vieux routier du cinéma américain. Pour quelle histoire ? Eh bien, tout simplement celle des dernières années de Jesse James. Jesse James, bandit criminel légendaire aux États-Unis. Déjà de son vivant, il avait inspiré de nombreux livres et récits sur ses plus hauts faits et méfaits, surtout braqueur de banque et de train. C'est d'une certaine manière une des premières superstars des États-Unis. Il avait vraiment des fans. Il était adoré. Il avait une espèce d'image de Romain Desbois, surtout qu'il venait du Sud, il se réclamait comme sudiste, et après la guerre de sécession, il y a eu beaucoup de rancœur dans cette partie des États-Unis. Et Jesse James, il a rencontré Robert Ford, petit frère d'un de ses acolytes, Robert Ford, qui était une groupie, enfin complètement fan, transi de Jesse James. Depuis sa plus tendre jeunesse, il collectionnait les bouquins et autres trucs consacrés à Jesse James, et il va vouloir faire partie lui aussi de la bande et faire des trucs avec Jesse James et côtoyer ce mythe vivant. Je vois. Ouais, moi aussi. Sauf que, comme le titre l'indique, ça va être un peu plus compliqué que ça et il va finir par l'assassiner, rien que ça. Alors comme je vous le disais, ce film est loin d'être le premier à aborder ce personnage, qui a été traité à Hollywood dès les années 20, incarné par toute une ribambelle d'acteurs les plus connus ou plus obscurs, ça de Tyrone Power à Roy Rogers en passant par Robert Duvall et Kris Kristofferson. Des réalisateurs comme Samuel Fuller, Nicolas Ray se sont aussi attaqués, mais de l'autre côté de la caméra, à ce personnage. La différence avec la tentative, l'œuvre d'Andrew Dominik, c'est que on est très très loin d'un western classique et même des westerns néoclassiques à la Clint Eastwood, à la Kevin Costner. Comme le disait Hugues Daillé, notre éminent collègue, dans sa critique de ce film, on est plus proche d'une démarche de Terrence Malick. C'est finalement très très loin du western au sens classique du terme. Le réalisateur lui dit lui-même, il a voulu faire un examen sombre sombre et contemplatif de la renommée et de la famille. Et pour être contemplatif, le film l'est. Il dure 2h40 et on a droit à très peu d'action. Il y a une scène d'ouverture absolument incroyable qui est l'attaque d'un train de nuit qui est graphiquement super impressionnante, d'une violence et à la fois d'une beauté et d'une dureté incroyable. Et puis aussi tout au long du film quelques scènes de fulgurance où les bons hommes se tirent dessus ou se courent les uns après les autres, et il y a vraiment des scènes qui sont très violentes et très crues. Et puis évidemment le film se conclut quasiment, puisqu'il y a une sorte d'épilogue, par l'assassinat de Jesse James, qui lui aussi survient de manière à la fois attendue mais complètement fulgurante et de manière très graphique. Donc un film, comme je le disais, très contemplatif malgré ses fulgurances. Il joue sur des paysages magnifiques. Le film a été tourné en grande partie au Canada et la nature y est vraiment grandiose. Les paysages sont filmés de manière incroyable. Quant aux personnages, eux, si le western n'est pas classique, ce n'est pas un film psychologique au sens strict du terme. Ils sont pas dépeints vraiment, c'est pas vraiment fouillé, c'est pas vraiment creusé dans ce sens. C'est beaucoup plus sensoriel que psychologique. Et il est avant tout centré, ce film, sur le duo Brad Pitt Casey Affleck, donc Jesse James, Robert Ford. Jesse James, il y est dépeint comme une espèce d'ange déchu, un personnage très charismatique mais complètement abîmé, complètement dépressif et rongé par la violence et la paranoïa, avec en même temps cette lucidité de cette dérive qui le rend encore plus dramatique, ce personnage, encore plus pathétique. Alors que Robert Ford, lui, il est vraiment travaillé, rongé, même par une espèce de rapport amour-haine vis-à-vis de Jesse James. Il est dans une telle vénération, une telle admiration, qu'il en devient jaloux et complètement complexé, écrasé, et ce qui finira par lui faire commettre l'irréparable. Bon, il y avait une récompense aussi, mais il a tué son idole d'une certaine manière. Comme je vous le disais, c'est pas vraiment un portrait psychologique au sens strict du terme. C'est une approche plutôt sensorielle et poétique des personnages de cette histoire. Mais on est loin de la radicalité de Terrence Malick, qui lui est beaucoup plus onirique, beaucoup plus elliptique, qui travaille plus sur une espèce de rêverie intérieure des personnages qui se retrouvent en communion avec la nature face au chaos de la société humaine. Ici, on est dans quelque chose de plus linéaire. Mais qui en reste néanmoins à couper le souffle visuellement. C'est un vrai trip à voir absolument sur le grand écran, surtout que visuellement justement le réalisateur travaille certains motifs qui sont récurrents tout au long de son film, comme par exemple un jeu sur l'ombre et la lumière, le jour et la nuit, sur un film qui traite évidemment de ce genre de thématiques, sur la violence, la déchéance, forcément sur des contrastes qui marchent toujours. Et puis aussi quelque chose d'intéressant, c'est un jeu sur les flous. Il y a beaucoup de scènes qui commencent par être vues comme à travers une lentille du cinéma des premiers temps. Donc c'est très très flou sur toute la périphérie de l'écran et c'est juste net dans un cercle au centre de l'écran. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça donne une espèce de cachet irréel comme ça, de côté un peu vu du passé, qui est aussi un côté très poétique, un peu déréalisant. On n'est pas dans une atmosphère fantastique, mais il y a vraiment un côté un peu poétique comme ça qui est vraiment très particulier. Ce qui me fait penser que les personnages sont dépeints un peu comme des fantômes. La scène d'ouverture, la plupart des acolytes de Jesse James portent une espèce de cagoule faite simplement de tissu percé. Et c'est un film qui à la fois montre ses personnages comme des espèces de fantômes pas à proprement désincarnés, puisque le film est justement très très sensoriel. À un moment, Jesse James est dans un champ de blé, alors on le voit avec sa main mutilée puisqu'il avait un doigt coupé, effleuré les épis de blé. Donc il y a à la fois côté très très sensoriel, mais en même temps avec un sentiment d'irréalité comme ça qui est vraiment très très étrange et très très bien rendu. En ce sens, le réalisateur Andrew Dominik a été bien aidé par son chef opérateur, qui n'est autre que Roger Deakins. Son nom n'est pas très connu, mais son travail l'est, puisqu'il est le chef op attitré des frères Cohen depuis très très longtemps. On lui doit notamment, par exemple, Au Brother, donc à l'image très très travaillée. Le film a d'ailleurs, en parlant de tournage, une histoire un peu compliquée. Il a été tourné au second semestre 2005, donc de août à décembre 2005, et il devait sortir en septembre 2006. Et la sortie était reportée d'un an parce que le studio, lui, dans sa tête, c'était clair, il voulait un western à la Clint Eastwood, à la Unforgiven, donc un truc peut-être un peu crépusculaire, un peu radical, à la limite, mais classique dans sa structure. Et clairement, c'était pas du tout l'attention d'Andrew Dominik, puisque, mine de rien, vu sa note d'attention, c'est clair qu'il se rapprochait plus d'un Terrence Malick que d'un Clint Eastwood. Une de ses premières versions qu'il a livrées au studio durait plus de 3 heures. Et du coup, ça a été remis sur la table de montage. Brad Pitt, en tant que producteur, et les frères Scott aussi, ont travaillé sur des montages, d'autres versions, avec Michael Caine, qui n'est autre que le monteur attitré, mais ce coup-ci de Steven Spielberg, qui n'est pas crédité au montage d'ailleurs. Mais malgré ce remontage, le film, qui vient juste de sortir, a l'air d'être un échec total au box-office. Il a coûté 30 millions de dollars, ce qui est un coût relativement moyen pour une production hollywoodienne avec un Brad Pitt à l'affiche. Mais la dernière fois que j'avais regardé, il n'avait même pas rapporté 1 million de dollars en quelques semaines d'exploitation. Oh, ça, c'est une belle boîte. C'est plutôt costaud. Raison plus pour vous rouer au cinéma pour le voir, il ne restera sûrement pas à l'affiche, parce que c'est vraiment un film atypique et un peu désarçonnant, mais une très belle expérience. Surtout que si visuellement il est très beau, en plus musicalement il est très intéressant. C'est Nick Cave et Warren Ellis, qui est donc violoncelliste des Bad Seeds, qui ont composé la musique. C'est leur deuxième western coup sur coup, puisque l'année passée ils avaient fait la BO de The Proposition, western australien, coécrit d'ailleurs par Nick Cave. Et la bande son est vraiment magnifique, dans la lignée complètement de The Proposition. Il y a vraiment, ça sonnait de manière très familière, mais vraiment magnifique. Je vous conseille vraiment de saisir cette pépite, ce film un peu improbable, qui n'est peut-être pas un chef-d'œuvre, que les amateurs de western classiques trouveront peut-être un peu chiant. Mais moi je trouve que justement un des tours de force de ce film, c'est d'être toujours dans la contemplation et dans une histoire finalement très linéaire et très diluée, puisqu'il ne se passe pas grand chose sur ces 2h40, sans jamais tomber justement dans le côté beau mais chiant. C'est vraiment un film très sensoriel, qui est en plus agrémenté d'une voix off. Je pense qu'en français c'est Pierre Arditi qui l'a fait, je n'ai hélas vu le film qu'en version française, qui donne un peu un côté supplémentaire, d'un côté un peu conte, un peu fable morale comme ça, avec cette voix off qui explique l'histoire et puis les motivations des uns et des autres. C'est donc un film très intéressant, une espèce d'ovni aussi dans le paysage de la production commerciale hollywoodienne.